ni nzamba sala kinga mwasi pona bota pena polisa mokili yalela mahaba mwaninga ipamba ngomba na ngomba ekokutana kate kasi moto na moto bakoki kokutana adeleshe. Basekinga sheri, bonga na zonge pana biso. Ayo yo yo yo go, ayo yo yo go. Likambote na tikale tikete ho, kashe na mawa tonya saba yeba. Baeba kate penga na palaka. Mama e penga na palaka, lelo yonga na divorce pe a. Yango bako seke kengara. Eske ngai moto ya yambo na boba likwela ga. na loba loba akofuna na mama loba ebaki puta ya ya loba akofuna na mama loba akibishu ya papi loba akibolingi na loba loba baleliye akangiye alobiye akangiye akibolingi na loba loba akibolingi na loba loba akibolingi na loba loba akibolingi na loba loba Jamaica. Thank you. Joana la reine. Chomasi, chomasi, yeyena kobelela yo mama gaga. Chomasi yeye ngai wa yo juna, ngai na kolela zonga mama gaga. Na l'amour fidélité oh oh, amitié sincérité oh oh. Je m'assieds et dis comme moi, c'est une famille et cocama, maloba qui n'a pas la frida, à coco saïo, n'a dit ma quitte, chérie, je m'assieds, n'a la linga qui y a, je dois n'a pas, oh mon amour. Titi ya meme akoseke moto nyoso akoyinde kebo mino na lobate oyonde diama aloba kate otimidite ya kobotama yena bango bazali na distance e eh. Oh na kobala na yo kaka zoswana swana ha. Sona la reine. Bosana maso malika ki jiwana ko. D'ailleurs, ti laisse bien ding na lila kayo. Comme yo pelo ko la olinga mingi tro. Pour ça la semblante. Bukana bukana te ki di ba kolo moto. Zonga. D'ailleurs, kuta o kende. Ti kanga i awa na kati perdre ma mo bulu. Petit mol ali gina kutu ba ebi. Zonga. Cause de la lobby, n'a pas telle sa chance, n'a 18 à pile. Ce qui est commis 18h05. Au yété, au yéli souté, au longué, au bimi déserteur. Au signalé bongo, n'a pas gendarme à rond-point, ce qui est mon yo, va me mettre la main au bimi. Ok? Kitoko ya sheri ebangi sakawo mino na lobate oyone diama aloba kate otimilite ya kobotama yena bango bazali na distance e de marche na ye ongo ya bareno e oh na kobala na yo kaka zozana. Bongo, oh, oh, oh, oh, c'est là. Bolingua nouvelle alliance, on connaît la mando. Bolingua nouvelle alliance, on connaît. Yeah. Sans amour,